Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. Vous écoutez Fréquence Protestante et la 48e mécanique des ondes. Une émission où je ne ferai pas de démonstration de danse de bossa nova. Non, parce que je ne sais pas faire et puis parce que c'est pas très radiophonique. Alors vous me direz, quel rapport avec mon invité d'aujourd'hui? Aucun, si ce n'est qu'elle bosse à Nova. Radio, oh non. Radio où elle partage le fameux grand mix tous les matins jusqu'à la pause déjeuner. Et quand elle ne parle pas face à un micro, elle parle face caméra, celle d'Arte, dans une émission nommée Invitation au voyage, ou Stunt Landkunst. Oui, parce que c'est Arte, faut traduire aussi les titres en allemand, parce que les sous-titres jaunes en radio aussi, ça passe pas. Mon invitée se nomme Linda Lorrain, bienvenue dans la mécanique des ondes. Merci beaucoup pour cette invitation. Eh bien, merci aussi à vous d'être là pour partager votre passion pour la radio. Et j'ajouterais même que dans cette émission, on fait notre invitation au voyage, hein, si je puis dire d'une autre manière. Pour le coup, un voyage dans votre parcours radiophonique, qui est assez riche, assez varié, un peu rock'n'roll aussi, je pense. Un peu. On en parlera. Et le voyage commence donc dès maintenant avec la question traditionnelle de l'émission. Vous êtes actuellement au micro d'une radio associative. Est-ce que cela vous rappelle des souvenirs? Ah là là, oui. Ça remonte à super longtemps, mais moi j'ai voulu faire ce métier depuis tellement longtemps que quand j'étais petite, c'est-à-dire quand j'avais 12-13 ans, j'allais justement dans des radios associatives. Il y avait notamment une radio qui était consacrée au Périgord, où j'allais, comme ça c'était un immeuble dans le 13e ou 14e arrondissement, une sorte d'HLM, et puis dans ce petit appartement on faisait comme ça des émissions. C'était finalement ma première approche du micro, c'est hyper important les radios associatives. Ouais, et comme je le dis toujours à chaque émission, le sujet est encore plus délicat aujourd'hui avec les financements, les radios associatives qui ont un peu du mal à trouver de quoi tenir l'équilibre. Et c'est vrai que c'est un vivier de talent et aussi qui déclenche beaucoup de, comment dire, de talent. De vocation. De vocation. Mais pas seulement, parce que, alors, très égoïstement, c'est vrai que quand on aime la radio, c'est une première approche, ça permet d'accéder au micro plus facilement, mais je pense que ça rapproche aussi les gens, c'est une vraie communauté, ceux qui écoutent les radios associatives. C'est ça aussi, une double entrée. Pour les gens qui sont derrière le micro, bah ouais, c'est un bon tremplin. Et puis, ceux qui écoutent, ça nous rapproche tous ensemble. Oui, c'est ça, oui. Il y a aussi la proximité qui est un élément aussi très important dans ce média. Alors justement, le virus de la radio, comment c'est venu? Il n'y a pas que la radio associative, je pense. Oh bah, non, je crois que c'est comme beaucoup de gens qui font la radio, hein. C'est vraiment des trucs dans lesquels on baigne dès qu'on est petit. Moi, je sais que j'ai ce souvenir de tremper mes petits pains au lait dans le chocolat chaud en écoutant Evre Ojiri le matin sur Inter ou la météo marine. Ça, c'est vraiment un truc d'enfant, quoi. Le petit-déj avec la radio. Et puis après, ça nous poursuit et je sais pas pourquoi on attrape ce virus-là. Et la météo marine, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant, malheureusement. Mais est-ce que c'est un exercice que vous seriez bien tenté de faire? Mais j'adorerais le faire une fois. Mais juste pour tenter une fois. Vous n'avez pas un petit papier là avec un pseudo météo marine? Non, mais j'ai eu l'occasion. Pour répondre à mon fantasme. Non, mais j'ai eu l'occasion de faire une exposition sur la radio il y a quelques années. C'était au musée des arts et métiers, où il y avait justement cet atelier météo marine. On était face à un écran, on devait lire et j'ai fait le test. C'était une catastrophe. C'est hyper dur, j'imagine, à faire. Ah oui, mais ils ont tout un langage. C'est ça qui est assez déroutant d'ailleurs. Et donc, faute de pouvoir faire la météo marine, du coup, vous avez commencé donc dans les années 90, dès le lycée, à faire plusieurs stages. Ouais. Ouais, j'étais très très volontaire en fait, hein, puisque pendant les vacances, je partais un petit peu, évidemment, et puis je faisais des stages. Et d'ailleurs, j'étais dans cette radio finalement, puisque c'était l'un de mes premiers stages dans une grosse radio, c'était Radio Nova. Il y a très très longtemps. C'était la grosse boule d'ailleurs, avec Édouard Baird qui fait maintenant la matinale. Édouard Baird et Ariel Wiesmann à l'époque. Du coup, c'est un peu des retrouvailles aujourd'hui, puisque vous, comme vous dites, vous enchaînez juste après lui à la matinale. Ouais, c'est hyper symbolique. En fait, la première fois, ça m'a vraiment touchée d'être là en tant que... pas égal, parce qu'Édouard, on ne peut pas l'égaler, mais en tout cas, être officiellement à ses côtés. Je trouvais ça hyper touchant. Et vous faisiez quoi au sein de cette émission? Ah bah j'étais stagiaire, hein, donc j'étais petite, donc j'étais stagiaire, je faisais tout quoi. Je pouvais participer avec eux parce que ils étaient tellement spontanés, enfin ils sont tellement spontanés que il faut intervenir n'importe qui. Donc en l'occurrence, y compris la stagiaire, je répondais au téléphone, je pouvais apporter un café, je pouvais faire une photocopie, enfin. Le lot de tous les stagiaires, sauf que à la grosse boule, c'était quand même vachement plus sympa. Je me suis retrouvée à faire des chats perchés avec Jean-François Bizot et avec Edouard et Ariel aussi. C'était quand même hallucinant, quoi. Première expérience ou l'une des premières expériences, tu te dis que t'as envie de continuer ce métier. Et raison de plus pour avoir le virus de la radio après ça. Bah carrément, là j'étais complètement piquée, quoi. Et après, là, il y a eu la grosse boule. J'ai noté aussi à Europe 1 un passage. Alors c'était un stage d'observation chez Jean-Luc Delarue dans sa matinale. Ouais, c'est vrai. Bah alors là, c'était hyper impressionnant parce que j'étais amoureuse de lui. Imagine. donc ouais. Bah là, je partais très tôt parce que j'habitais à Malakoff à l'époque. Donc je prenais la ligne 13 hyper tôt pour me retrouver à la matinale. Alors qu'encore une fois, j'étais pitchoune, hein. Et puis bah là, en revanche, c'était de l'observation. Donc je faisais vraiment rien. Mais quand il m'a dit bonjour. Ça impressionne. Oh, moi, j'ai été hyper impressionnée. Et alors, j'ai noté aussi autre chose, et là, ça peut être intéressant d'en parler. Alors là, on va être vraiment dans les années 90, hein, je précise à nos auditeurs. Correspondante Bebop sur une radio nommée OFM. Effectivement, OFM. Voilà, j'ai donc 112 ans. Merci, Eddy, de me le rappeler. Voilà, j'ai pas connu. Ouais, merci encore plus. Non, bah, ouais, mais ça aussi, ça faisait partie des petites expériences, parce que c'est vrai que quand on démarre, qu'on n'a pas forcément de piston, qu'on connaît pas de monde dans le milieu radio, bah on essaye de rentrer par n'importe quelle porte. Et c'est vrai que OFM, c'était une station de la région parisienne, ils proposaient de filer des bebop, l'ancêtre du portable, hein, donc pour ceux qui n'étaient pas nés dans les années 90. Ils filaient des portables à des auditeurs, hein, enfin des bebop à des auditeurs, et on devait faire des petits coups de cœur, des petites chroniques. En l'occurrence, moi, j'ai trouvé qu'il fallait faire des chroniques. Et donc, on enregistrait ces chroniques dans la rue. Et donc, d'accord. C'est très drôle parce que, en fait, à l'époque, c'était pas du tout démocratisé, les portables. Donc, moi, je me cachais avec mon bebop. J'avais trouvé un coin. C'était vers Invalides. Il y avait un arbre, très bien, où il y avait une borne bebop, où on voyait personne. Donc, je pouvais, derrière cet arbre, enregistrer des chroniques pour cette station OFM. Et j'avais même été sélectionnée, j'étais hyper fière, pour une émission de cinéma, genre la meilleure chronique du mois. Et donc voilà, il m'avait rappelé parce que j'avais assuré. Mais j'étais encore une fois très petite, donc très très fière de ce qui se passait. Ouais, ça a déclenché encore une fois. Ah mais de toute façon c'est ça, hein, et puis ça continue. Voilà, c'est un éternel renouvellement ce métier. Et justement, le métier, vous commencez à y entrer dès 1998. Alors ça commence notamment à Radio France avec un programme qui s'appelait Urgence. Ouais. Radio France Urgence, hyper important ce programme. C'était une radio qui avait été créée par Radio France pour aider les sans-abri. Et donc, bah moi j'ai commencé en tant que reporter là-bas, c'est-à-dire que j'allais auprès des sans-abri pour soit avoir leur témoignage, soit leur donner des conseils aussi, ou se nourrir gratuitement, ou dormir. Bon, le 115 c'est hyper compliqué, mais il y avait des petites astuces pour se débrouiller autrement. Non, c'était hyper utile, hyper formateur surtout. Donc là déjà, vous étiez là encore sur le terrain. Ah ouais, en main. Bien sûr, bien sûr. Et puis humainement, c'est tellement important de démarrer par ça, quoi. Et alors juste après ça, quelques temps après, il y a eu un passage à RFI également, où vous réalisiez, bah, alors là encore sur le terrain, je pense, des interviews. C'était pour le cadre d'une émission qui n'existe plus depuis plus si longtemps maintenant, c'est la bande passante, ouais. D'Alain Pilot. Ouais, grand formateur Alain Pilot. Alain Pilot, Marjorie Rizaché, Frédéric Garin, enfin ils étaient plein. C'était vraiment une super équipe, Willy Richer aussi. Et là aussi, ouais, sur le terrain, bon, c'est pas pareil quand même, hein. Aller à la rencontre des sans-abri et puis aller dans un hôtel à la rencontre de Thomas Fersen ou je sais pas moi, Philippe Catherine, c'est un petit peu différent quand même. C'est un peu plus facile. Et donc, tout cela nous amène donc, alors déjà, vers le cinéma et la musique, ça devient une de vos spécialités, on va en parler. Juste après ça, donc, vous arrivez sur une certaine radio rock nommée Oui FM. Comment ça se passe? Alors, c'est très étonnant, parce que, en fait, j'avais envoyé une démo à la rédactrice en chef de l'époque, qui s'appelle Nathalie Leruche, et elle m'a convoquée, elle m'a donné rendez-vous, pour me dire, finalement, en fait, je voulais juste te rencontrer parce que ta démo, elle était super, mais j'ai rien à te proposer. Et je suis sortie de ce rendez-vous, mais j'étais dégoûtée. Et ben finalement, quelques mois plus tard, elle m'a appelée pour faire un remplacement de Perrin à la rue, qui lui aussi était avec un téléphone portable, comme quoi ça m'a suivi. Donc je me suis retrouvée Linda en roller, avec tatou. Et donc j'étais dans la rue à présenter des bons plans comme ça et raconter un peu ce qui se passait dans la rue. D'accord, on passe du bebop au tatou, donc on est vraiment dans les années 90. Attends, t'as vu ce que j'ai maintenant ? J'ai un beau smartphone. Hey. Ah oui, mais là vous faites plus de terrain maintenant. Vous êtes en studio, là, c'est ça ? C'est vrai, je me suis embourgeoisée. Donc les bons plans justement donc sur OuiFM, c'est ce qui va devenir un peu votre marque de fabrique, hein, ouais. Si on peut dire, entre deux morceaux. Les surprises de Paris à l'époque. Hein. Exactement. Mm. Alors ça, pareil, c'était tout un travail d'investigation, je pense. Ouais, un gros boulot, puisque je vérifiais, évidemment, hein, je faisais mon boulot de journaliste, mais je vérifiais chaque exposition, chaque bon plan que je donnais. Donc, mais c'était passionnant. Vraiment, encore une fois, c'était passionnant. Mmh. Et alors, il y avait une émission également. Alors là, on va retourner dans le cinéma. Alors, c'est celle que j'ai mis le plus en avant, parce que je pense que c'est celle dont vous êtes le plus fier. Ouais, celles dont je suis le plus fier. Cinéma, cinéma. Autour de midi, donc, ouais. Qui a commencé en 1999, une émission cinéma avec Peter Fondu. Oui. Alors, moi, déjà, j'avais une petite question qui a titillé ma curiosité. D'où vient le nom de cette émission ? Parce que j'ai un peu du mal à voir le lien avec le cinéma. Eh ben, c'est Autour de minuit. Ah, oui, d'accord. Ben oui, c'était ça, la référence. D'accord, ben, je devrais revoir mes références, je pense. C'est pas grave. Chaque jour, on apprend aussi. Il n'y a pas de honte. Et alors, cette émission, justement, on vous l'a proposée ou c'est une idée qui vous tenait à cœur ? Non, on m'a proposée. C'est la fameuse Nathalie Leruche, qui est un peu ma petite fée dans le métier. Nathalie, elle m'a convoquée un jour. J'étais donc là-bas, je faisais les surprises de Paris, donc les bons plans culture. Et elle m'a convoquée dans le bureau. Je me suis dit, je vais me prendre une rouste. Et pas du tout. En fait, elle me dit, assieds-toi. Est-ce que t'aimes le cinéma ? J'ai dit, mais j'adore. Elle me dit, est-ce que ça te dirait de co-animer une émission de cinéma ? Genre le cadeau. Et voilà, ça a démarré comme ça. Donc on a déjeuné avec Peter Fondu. Il parlait tellement vite à l'époque que je n'ai absolument rien compris de ce qu'il racontait de tout le déjeuner. Et puis il s'est calmé avec moi. Moi j'ai parlé un peu plus vite grâce à lui. Lui il a parlé un peu moins vite et ça a fait un couple qui a duré, je sais pas, à l'antenne 2-3 ans. Et puis qui dure aujourd'hui encore. 4 ans. J'avais noté jusqu'en 2003. Oui, peut-être. Oui, c'est ça, 2003. En tout cas, OuiFM, donc on va continuer à en parler, parce que vous avez passé quasiment une bonne partie de votre parcours là-bas. 12 ans. Mm. Juste le temps de faire une petite pause musicale, la première, avec un morceau que vous avez choisi. Alors, on va retourner justement sur une des premières émissions que vous aviez faites, Pitchoun. Hein, c'est ça. Citation. C'est un morceau de Frédéric Botton, qui s'appelle « Attention à la grosse boule qui descend l'escalier ». Un nom assez décalé, mais qui correspond parfaitement, je pense, à, on peut le dire, la grosse boule. Hein. C'est ça. Vous avez fait votre stage. Bah, c'était le générique. Que fait donc cette grosse boule ? Moi, que fait donc cette grosse boule ? Que fait donc cette grosse boule ? Moi, que fait donc cette grosse boule ? Cher monsieur, cette boule, elle roule, elle vous enverra bouler. Mais que fait donc cette grosse boule ? Mais y a donc pas d'ascenseur, car cette grosse boule me fait peur. Ces grosses boules, nous jouons donc ces grosses boules. Cher monsieur, ces boules, elles roulent, laissez-les bien s'amuser. Oh, attention, y'a plein de grosses boules qui sont plus mal élevées. Oh, attention, y'a plein de grosses boules qui voudraient roucouler. Nous jouons donc ces grosses boules. Wow. Premier choix musical à l'instant dans la mécanique des ondes par Linda Lorrain, en hommage à ses toutes premières années radiophoniques. Ouais, c'est vrai. Frédéric Botton, attention à la grosse boule qui descend l'escalier, et qui était donc le générique de l'émission d'Edouard Baird. Exactement. Et d'Ariel Wiesmann. Et d'Ariel Wiesmann. Quand même, hein. Pas l'oublier, Ariel. Tout à fait. Et donc, on va revenir donc maintenant à Oui FM. Mmh. Donc, vous avez passé, vous l'avez dit, 12 années de votre carrière radiophonique. Mmh. Alors, donc, en dehors de Autour de Midi, l'émission cinéma dont nous avions parlé juste avant le titre, il y a également, vous avez fait également du flux musical. Oui. Et entre les deux flux musicales, donc, des idées bon plan, ouais, des sorties, ouais, c'est un peu votre marque de fabrique. Bon, c'était un peu la famille quand même, Oui FM. Hein. Mmh. C'était un peu ma maison. Il y avait une ambiance incroyable. C'est-à-dire qu'on y passait notre vie, en fait, à Oui FM. Moi, j'y retournais le soir pour Le Monde de Monsieur Fred. Ah ben oui, exact, oui. C'est vrai que tous les animateurs participaient là-dedans. Oui. Bah, disons que, voilà, comme l'ambiance, elle était tellement géniale qu'on n'hésitait pas à revenir. En fait, on faisait les apéros ensemble, on fêtait les anniversaires, on vivait là-bas, quoi. C'était vraiment notre maison, Oui FM. Et vous aviez rencontré également, je pense, pas énormément de groupes et d'artistes, ouais, de la programmation. Il y avait beaucoup de sessions live, je pense, aussi dans les studios. Alors ça, c'était plus Dom Kiris. Hein. Moi, je faisais vraiment la petite souris et la fan, presque, quand les grands artistes venaient. Moi, c'était plus avec Autour de Midi, pour le coup, que j'ai eu la chance de rencontrer quand même un paquet de célébrités, comme on dit. Et alors, lesquelles, par exemple? Est-ce que vous avez des noms? Bah, il y en a trop, quoi. Bon, juste trop. Les plus marquants. Ah bah, si je vous dis, je vais vous dégoûter, si je vous dis Brad Pitt, Scorsese, il y en a trop, vraiment, il y en a trop. Cotillard, à ses débuts, Marion Cotillard, c'était pour Les Jolies Choses, donc c'était bien avant son succès. C'était une hebdo, donc vraiment, avec des interviews chaque semaine, c'était énorme. Et puis, Oui FM, ça avait une telle aura qu'on avait la chance d'avoir... De belles pointures qui étaient invitées avec nous. Puis on avait ce questionnaire, le Oui Oui questionnaire, qui était génial. Enfin, j'en parle, c'est pas du tout pour me la raconter, mais c'est vrai que j'adorais cette émission et que ça fonctionnait très bien, le Oui Oui questionnaire. C'était fabuleux, ce truc. Et ça consistait en quoi, le Oui Oui questionnaire? Bon, c'était un questionnaire de Proust, c'est-à-dire que c'était le film que vous passeriez en boucle à votre pire ennemi, le film que vous avez honte d'aimer, le film qui vous émeut sexuellement, voilà. Et d'accord. C'était une série de questions du tac au tac, et c'était et j'avais des réponses hallucinantes, c'était super. Et donc cette aventure à Oui FM donc aura duré donc 12 années. Et entre-temps donc ça on pouvait pas y échapper dans l'actualité, donc en 2008 Arthur qui rachète la Radio Rock. Donc à ce moment-là là vous passiez à l'après-midi juste après Princesse Jade qui était nouvellement recrutée. Ouais. Et là c'était une tranche assez très vivante, hein, qui s'appelait l'Happy Hour. Vous faisiez un sacré tandem avec votre réalisateur, qui était aussi animateur, oui, Pierre. Pierre Janazac. Bah oui, il est très très bon client. C'est-à-dire que dès que j'ouvrais la bouche, il rigolait, donc c'était sympa à faire. Et donc cette aventure à Oui FM se termine 2 ans après ce rachat, donc courant 2010. Ça s'est terminé. Et donc à ce moment-là, comment ça se passe l'après Oui FM? Bah, l'après Oui FM, déjà, ça m'a fait beaucoup de peine, finalement, d'arrêter cette radio que je considérais comme une famille. Après, voilà, c'est comme un mini deuil, il faut s'en sortir. Donc j'ai fait un enfant, ce qui est plutôt très positif, finalement. Et donc, j'ai fait un enfant, et puis après, j'ai rebondi sur Europe 1 juste après le congé mat. Voilà, c'était une belle maison aussi qui m'accueillait. C'était vraiment le lendemain de la fin de mon congé mat. Et donc Europe 1, justement, et là, c'est un nouvel exercice radiophonique pour vous, puisque là, vous passez de stagiaire qui faisait un petit peu tout à Nova, de journaliste sur le terrain avec un bebop, puis avec un micro, à animatrice, et maintenant, vous passez meneuse de jeu. Ouais, mais en même temps, meneuse de jeu, il faut expliquer quand même, meneuse de jeu, c'est Julie, hein, d'Europe 1. C'est la plus connue, c'est pour ça que je cite Julie. Sont les filles qui, parce que ce sont des filles, qui donnent l'heure, qui annoncent les programmes. Quand vous écoutez Europe 1, il est 10h. Bah, ce sont les meneuses de jeu. C'est un joli nom pour qualifier un peu les speakerines, on va dire. Et meneuse de jeu, non, en fait, c'est plutôt la synthèse de tout ce que j'ai fait auparavant. C'est-à-dire que c'est pas forcément très bien considéré d'être meneuse de jeu, mais il faut un métier incroyable. C'est-à-dire que les filles qui le font, ce sont des animatrices très très forte, vraiment. Vraiment Julie, bravo quoi, de tenir toutes ces années. Parce que, c'est-à-dire que quand un journaliste, un animateur est à la bourre, quand il y a une machine qui casse, eh ben, ce sont les meneuses de jeu qui doivent combler. Et combler, c'est pas évident en radio. Donc on a des petites fiches, voilà, enfin c'est extrêmement difficile comme métier meneuse de jeu. Et finalement, c'est la synthèse de tout ce que j'avais fait auparavant. Toute l'expérience que j'avais accumulée m'a servi pour être meneuse de jeu. Il y a tout un rythme aussi, comme vous l'avez dit. Il faut être tout le temps en tension. Et c'est parce qu'on porte finalement, on porte le journaliste. Parce que s'il se plante, c'est à nous de le rattraper. On est vraiment le parachute. Donc c'est vraiment, c'est pas évident quoi. Vous avez fait ça durant 2-3 ans, je sais plus. 2-3 ans. Ouais. Donc c'était un remplacement au début, hein, si j'ai bien noté. Ouais. Et là, vous arrivez donc titulaire pendant une saison, ouais, le week-end. Mm-hmm. Ce qui vous laissait un rythme, je pense, plus posé pour la semaine. Ouais, disons plus posé. Non, je faisais Radio Nova quand même à côté, puisque je remplaçais Mathilde Serel qui était en congé mat. Donc non, j'avais un bon rythme quand même. J'avais Europe le week-end et puis Nova la semaine. Alors justement, Nova, on va y venir. Comment ça s'est passé, votre arrivée à Nova? Alors ça, c'est pareil. Enfin, en gros, j'ai eu quand même, jusqu'à présent, je touche du bois encore, hein, mais j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que le jour du pot de départ de WeFM, je l'avais fait donc dans le 11e arrondissement, et dans le bar que j'avais choisi, il y avait quand même le responsable des programmes du MOVE qui était là, par hasard, et il y avait le responsable d'antenne de Nova qui était là, par hasard. Et ces deux radios ont voulu que j'aille chez elle après WeFM. Bon, j'ai choisi Nova en l'occurrence, j'ai suivi Marc Hachlimi, mais du bol, énormément de bol quoi. Donc ça s'est fait comme ça. Et un jour, Marc Limi m'a appelé pour me dire, écoute, on est en train d'organiser une matinale, est-ce que ça te dirait d'animer la matinale de Nova? Et là-bas. Qui s'appelait La Nouvelle Internationale. Exactement, La Nouvelle Internationale avec Thierry Paret, mmh, en co-animation. Et pareil, cadeau quoi. Parce que c'est l'international, c'est Nova, c'est ce que j'aime. En la gros. Matinale, le prime time. Ouais, c'est le prime. Ça, maintenant je déchante un peu quand même. Hein, parce que oui, c'est le prime, mais c'est tôt. C'est oui, très très c'est tôt quand même. Oui, c'est ça, il y a le rythme qui va avec. Non, ça, pour le coup, matinale, ça serait compliqué de le refaire, j'avoue. Comment vous l'avez vécu, cette nouvelle expérience? Parce que là, on passe du cinéma au bon plan, mm-hmm, à la musique, à l'actualité internationale. Ouais, mais après, encore une fois, c'était pas... je savais où j'allais quand même, parce que j'ai eu des études avant, de longues études, et ça faisait partie aussi de mon cursus, hein, quand même, l'international. C'est-à-dire que j'ai fait une maîtrise de droit public. Donc, maîtrise, c'est pour les gens jeunes, hein. Ça n'existe plus. Voilà, c'est une sorte de doctorat, on va dire ça comme ça. Je crois, il me semble. Ouh là, c'est une colle. Presque une colle, là, qu'on me pose. Bon, en tout cas, voilà, c'est des études un peu costauds. Donc, voilà, la nouvelle internationale, ça collait aussi à mon parcours. Hein. Même si je faisais essentiellement de la culture, je lisais quand même tout le temps Libé, Le Monde et Courrier International, quoi. Avec l'aide de Thierry Paret, donc, qui était déjà journaliste. Exactement. Dans la maison. Thierry qui tient cette maison depuis 30 ans. Ah oui, quand même. Mais non, je plaisante. Petite parenthèse d'ailleurs. Ouais. Thierry Paret qui faisait une émission de punk metal sur TSF à l'époque où ce n'était pas encore TSF Jazz. Exactement, mais là, il y a au moins 70 ans. Alors, est-ce qu'à Nova, justement, il y a ce même esprit de famille que vous citiez à WeFM, par exemple? Ouais, il n'est pas pareil, mais c'est vrai, ouais, on s'entend quand même très très très bien dans cette radio. J'ai l'impression que je choisis des radios comme ça, en fait, finalement. Là où je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, c'est des radios pas familiales, puisqu'on bosse essentiellement, mais c'est quand même... Il y a un esprit familial, mais à Nova, il y a aussi cet esprit très libre. Il y a une vraie liberté de ton qui est super agréable, en fait. Quand t'es au micro, t'as le droit de dire ce que tu veux, tu peux te gratter le genou si ça te gratte. Voilà, personne ne va t'ennuyer, quoi. T'as le droit de t'exprimer avec tes mots, avec ton ressenti. C'est un bonheur, c'est un luxe incroyable. Bonheur que vous assurez toujours actuellement aux 9h, 13h. Exactement. On va faire une deuxième pause musicale, Linda Lorrain, oui, tout de suite avec un autre morceau de votre choix, puis alors un morceau Nova compatible, si je puis dire, c'est Philippe Catherine. Pourquoi ce choix? Philippe Catherine, parce que j'ai beaucoup d'affection pour lui, je le trouve fou, drôle, À chaque fois que je l'ai interviewé, c'était assez magique en fait. Je l'ai interviewé d'ailleurs pas pour la radio la première fois, c'était pour la télé. Pour une émission de bande originale de film que je faisais. Il avait fait Peau de cochon à l'époque et vraiment il était barré quoi. Et je le trouve touchant, vraiment touchant. Donc c'est pour ça que j'avais envie de l'écouter parce que je l'aime beaucoup. Eh bien on l'écoute tout de suite avec Paris Vélib. Si je peux vous donner un conseil, faites du Vélib la nuit sous ecstasy la nuit. À Paris, faites du Vélib la nuit, only la nuit, et vous verrez comme moi les voitures qui dorment, les pavés qui dorment, les abribus qui dorment, la tour Eiffel qui dort, l'Olympia qui dort, la grande roue qui dort. Les vêtements dans les vitrines de magasins de vêtements, les meubles dans les magasins de meubles, la Seine qui dort, les ponts qui dorment, tout le monde au dodo et moi sur mon vélo. Si je peux vous donner un conseil, faites la nuit sous ecstasy, la nuit à Paris. Faites du Vélib la nuit, only la nuit, et on se croisera devant le Louvre, la pyramide du Louvre. Et on se dira que le Louvre essaie de faire peur à la pyramide, alors que c'est la pyramide qui fait peur au Louvre. La pyramide ne se reflète pas dans le Louvre, alors que le Louvre se reflète dans la pyramide. Personne veut se voir tout le temps dans un miroir. Non. On se dira ça. Et on s'embrassera. Si je peux vous donner un conseil, faites du Vélib la nuit, only la nuit. Philippe Catherine, joyeusement décalé, on l'aura constaté. En tout cas, c'est choisi par Linda Lorrain, ce morceau Paris Vélib. Un peu d'actualité, on dira, avec les grèves du moment. Et donc, vous parliez justement, juste avant de votre rencontre avec Philippe Catherine, c'était dans le cadre d'une émission de télé. Oui. Parce que oui, vous ne faites pas que de la radio, il y a aussi une expérience en télévision. Et là aussi, le CV est assez riche. Oui, mais alors ça, c'est venu par hasard, parce que moi, je ne voulais pas du tout faire de télé à la base. Hein. C'est vraiment, j'étais à Oui FM, je faisais cette émission de cinéma autour de midi et en l'occurrence, il y a une chaîne de cinéma qui s'appelait Cinéinfo, qui m'a fait passer un casting pour animer une émission de musique de film et j'ai atterri vraiment par hasard là-bas. Et après, ça a été une succession de rencontres. C'est-à-dire que après c'est MCM qui m'a repéré, après c'est Canal+, et après voilà, ça a été la chaîne comme ça, Pierre-Antoine Capeton sur TPS. Donc toujours autour du cinéma. Ah ouais, c'était donc, essentiellement du cinéma, en effet. Cinémascope, musique de film, même sur TPS Star, les chroniques, elles étaient cinéma dans Star Mag. Alors est-ce qu'à un moment vous êtes sorti du cinéma côté télé ? Ah bah la preuve en ce moment. En ce moment, oui. On parle de cinéma d'invitation au voyage, puisqu'il y aura un sublime sujet sur Wim Wenders vendredi, mais pas que. On voyage essentiellement. Et bien justement, c'est là-dessus qu'on va rebondir. C'est une émission que vous faites en ce moment et même depuis quasiment maintenant un an. Exactement, ça fait un an. Ouais. Et comment ça s'est passé, justement, cette arrivée sur Arte? Ceux qui sont venus vous chercher, vous aviez le projet sous la main, ça vous tenait à cœur? Non, mais je vais dégoûter tout le monde. Non, mais encore une fois, je touche du bois parce que vraiment, c'est trop de chance, trop de cadeaux. Enfin, jamais trop, mais c'est de la chance et c'est des cadeaux. Non, en fait, j'ai fait un casting pour faire l'été sur 28 minutes, le magazine d'Elisabeth Quin. J'ai été prise et ça s'est plutôt très bien passé. L'équipe est géniale. L'équipe de la production et l'équipe de la chaîne. Et ils sont venus avec ce projet Invitation au voyage, pour lequel j'ai quand même passé un casting. Et j'ai été retenue. Donc voilà, mais c'était. Ils m'ont offert cette formidable émission. Vraiment culture et voyage en plus. Et Arte, il n'y a rien de mieux. Oui, puis l'émission, tout est dans le nom. C'est une émission où on s'évade et puis vraiment, il y a de belles histoires. Exactement. Pour avoir testé. Chaque jour. Oui. Et alors, s'il fallait choisir entre la radio et la télé, pas de choix possible. Aucun choix? Non. Même pas la radio en priorité? Ah bah, peut-être que oui, et oui, peut-être quand même. Peut-être la radio. Mais en même temps, Invitation au voyage, c'est tellement bien. Ça me ferait vraiment suer d'arrêter. Mais non, ouais, dans l'absolu, c'est vrai que ça serait la radio quand même que je garderais. En priorité. Qu'est-ce que votre expérience radio vous a apporté personnellement que la télé n'aurait pas pu vous apporter? Et même inversement. Ouais, c'est compliqué comme question. Il y a peut-être plus de lâcher prise en radio, en tout cas dans des radios comme Nova ou IFM. Europe 1, on est quand même plus cadré. Enfin, j'ai adoré cette expérience à Europe. Hein. C'était vraiment génial. C'est aussi une belle famille. Mais ouais, il y a peut-être plus de spontanéité, plus de réactivité en radio. Le lapsus en radio. Ouais, le stress du blanc, par exemple, d'être face au silence. Ça, c'est quelque chose que tous les animateurs radio craignent. Oui. Et non. Tout dépend de la situation. Ouais. Et puis, pour le coup, Nova, c'est une bonne école. C'est-à-dire que c'est tellement roots que finalement, on apprend à ne plus avoir peur du blanc. Et puis à se dire que finalement, dans la vraie vie, il y a des blancs aussi. Et puis, il y a des failles. Donc, c'est pas très grave. La radio, c'est le reflet de la vie. Donc, s'il y a des failles, bah, c'est pas grave. Linda Lorrain, donc, dans la mécanique des ondes, avec un parcours, on l'a vu, donc, très riche, entre WFM, Europe 1, Nova, donc avant et maintenant, plus la télévision, ça fait tout un programme. Et donc, on va passer maintenant, après cette présentation, ce voyage dans votre parcours radiophonique, à quelques petites questions pour approfondir un petit peu votre passion de ce média, à commencer avec le rituel de la mécanique des ondes, c'est la question capsule. Pour rappel, c'est l'invité de la précédente émission qui pose une question à l'invité de l'émission suivante, donc vous, Linda Lorrain, en l'occurrence. Le mois dernier, nous avions eu Éric Madelon, qui travaille actuellement à Rire et Chanson en remplacement, et qui a eu aussi un parcours radio très riche, de Europe 2 à Maximum, bien avant, et puis qui a été meneur de jeu à RMC aussi pendant quelques mois. Voilà, donc presque un confrère. Et justement, il a une question pour vous qu'on écoute tout de suite. Bonjour Linda, je voudrais savoir pour toi quelle est la pire question que des amis ou des auditeurs ont pu te poser sur ton travail. On connaît tous le fameux « mais sinon tu fais autre chose à côté ». Quelle est la pire question qu'on t'ait posée sur ton job en radio? Non, le truc est assez insupportable, mais je pense que c'est valable aussi pour un agent immobilier à qui on dit « sinon, tu penses quoi du marché ? Ou sinon, t'as pas un appart, voilà. Ou sinon, à un médecin à qui on demande toujours des trucs. Moi, c'est « tu peux pas me faire ta voix de radio ?» Et ça, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Même si ça part d'une bonne intention, je vous assure que c'est gavant, quoi. C'est un peu vexant aussi. Hein. Pourquoi ? Vous avez pas la même voix dans la vraie vie qu'à la radio. Il y a aussi cette phrase qui revient souvent. Disons qu'on est compressé quand même à la radio. Oui. Il y a du traitement. Après, j'imagine que quand même on me reconnaît. Enfin, mes proches, ils me reconnaissent. Hein, voilà. Mais mes enfants, s'ils m'entendent à la radio, ils savent que c'est maman, quoi. Mmh. On va passer maintenant à un questionnaire rapide pour clôturer. Alors, c'est un petit peu comme un oui-oui questionnaire, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Avec quelques petites questions, Linda Lorrain, est-ce que vous êtes prête? Oui. Une personnalité de radio qui pourrait être votre modèle? Ouh, Jean-Louis Foulquier. De France Inter. Ouais. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? J'ai le droit de dire Jacques Chancel aussi. J'ai le droit d'en dire deux. sur la précédente ? Ouais. Pas de souci. Ok. Alors, pardon, quelle radio ? Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence ? France Inter. Quelle radio ? Ah, France Inter pour l'enfance et Énergie pour l'adolescence. Et Nova aussi. Et Nova. Quelle radio vous réveille le matin ? Nova. Quelle radio vous endort le soir ? Pas de radio, parce que là, pour le coup, c'est la vraie vie qui m'endort. Mais je dirais Nova, pour le coup. Un endroit où vous écoutez toujours la radio ? Dans la cuisine. Un endroit où vous ne l'écoutez jamais ? Je suis en train de réfléchir. Dans l'ascenseur. Pas mal. Votre meilleur souvenir de radio ? Oh, y en a tellement. Alors là, celui qui me vient spontanément au moment où on se parle, parce qu'on en parlait et que ça me fait du bien d'avoir ces souvenirs, c'est un fou rire absolu de Peter Fondu, justement, sur WeFM, qui était délicieux. Presque il aurait fallu que je vous le passe. Qu'est-ce que c'était drôle. On n'arrivait plus à terminer cette émission parce que c'était du direct. C'était génial. Et le pire souvenir ? Le pire souvenir, c'est les souvenirs d'interview. Il y a des gens qui paraissent très sympas... des grandes stars de cinéma qui paraissent très sympas et qui ne le sont pas du tout. Voilà. On ne demandera pas de nom. Je donne les initiales. JPJ. C'est l'un de ceux qui... Parce que c'est un homme. L'un de ceux qui n'était pas forcément très très sympathique. Et enfin, pour finir, un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la radio. En bouffer. Bouffer du micro. Voilà. Faut pas hésiter. On parlait au début de cette interview des radios associatives, c'est hyper important. Faites des radios associatives, faites des émissions chez vous, maintenant on a tous les moyens possibles. Franchement, je veux pas faire la vieille, mais moi à mon époque c'était quand même un peu plus compliqué, même si déjà hein, je faisais avec un radiocassette à double entrée, plaf plaf, record pause, j'enregistrais, mais déjà rien que ça. Maintenant, avec les MP3, avec tout ce que vous avez fait, ça, faites du mix sur SoundCloud, débrouillez-vous, mais bouffez-en, quoi. Et comme je le dis toujours à chaque fin d'émission, la radio associative reste la meilleure école qui soit. C'est l'une des meilleures écoles, ouais. Merci Linda Laurin, en tout cas, d'avoir passé ce petit moment avec nous. Bah avec plaisir. Et d'avoir partagé votre parcours très riche. On vous retrouve donc sur Nova tous les matins entre 9h et 13h et un peu plus tard dans la journée sur Arte pour Invitation au Voyage. Une très belle émission. Voilà. À regarder absolument. Merci à tous d'avoir suivi cette mécanique des ondes. On se retrouve le mois prochain sur Fréquence Protestante avec un nouvel invité radiophonique. D'ici là, n'oubliez pas que l'émission est à retrouver en podcast à tout moment sur fréquenceprotestante.com et sur les réseaux sociaux de la mécanique des ondes.